Picard et Laurie Agusti sur le Salon d'Expression Populaire et de Critique Sociale, et nous allons découvrir ensemble les éditions La Partie avec deux autrices de la maison. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation sous le soleil et la bonne humeur arageoise. La Partie, pourquoi ce nom pour une maison d'édition jeunesse? Alors bon, c'est toujours un peu difficile de trouver un nom qui est plusieurs, mais quatre personnes ont trouvé un nom qui plaisait à toutes. Et puis un nom auquel on s'habitue aussi dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que c'est un peu bien s'habituer, c'est plus longtemps. Donc deux ans plus tard, ne plus trop savoir expliquer pourquoi on l'a choisi. Mais disons que c'est plutôt a posteriori qu'on trouve les raisons pour expliquer pourquoi on a choisi ce mot-là, qui sonnait bien à ce moment-là. Oui, et qui se retient aussi. Oui, des choses peut-être de façon un peu inconsciente. Et en l'occurrence, là, c'est clairement une invitation au jeu. Ah, oui, d'où le logo qui, est en, qui voilà. ressemble à un damier, un petit peu de jeu. Exactement. Et puis après, plus si on élargit un peu le champ sémantique, c'est aussi la partie de quelque chose qui serait un ensemble plus vaste d'une certaine littérature jeunesse, spécialement trouvée, tournée vers la création, et dont voilà, on serait... une partie des acteurs de cette grande famille-là. Au niveau de une partie, justement, il y a beaucoup de... Quelle est un peu la ligne éditoriale de La Partie? Vous avez des textes traduits. Il y a une forte part de traduction et donc de découverte d'autres pays, de circulation de traduction. Ici, les autrices présentes sont françaises. Comment se répartit un peu la ligne éditoriale, le catalogue Alors, la ligne éditoriale, en fait, le livre qu'on fait est très clairement l'album illustré qui se décline effectivement en documentaire et album de fiction, en création et album étranger, voire même en livre, en réédition un peu patrimoniale. On va chercher des livres à l'étranger ou en France, mais qui ont déjà une histoire éditoriale et qui ont été publiés. Voilà. Et après, la ligne éditoriale, en fait, elle s'est construite de façon un peu en binôme, puisque on est deux éditrices, hein, déjà. Et elle s'est construite aussi, en ce qui me concerne, autour d'un groupe, d'un ensemble d'auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices avec lesquels je travaillais avant La Partie. De nombreuses années pour certains, plus récemment pour d'autres, mais des autrices avec lesquelles il y a depuis un certain temps, depuis longtemps, une histoire de confiance, de suivi, d'échange. Voilà. Donc ça, c'est une partie du catalogue avec des auteurs qui sont restés de mon passé professionnel, comme Lex Bolex, Patrick Chalemania, Adrien Parlange, Bernadette Gervais, plus récemment Laurie Agusti, Roxane Humeret, enfin voilà, ces gens qu'on retrouve aussi dans le catalogue de La Partie aujourd'hui, enfin différent, puisque La Partie a commencé à l'automne 2021, donc ça va être notre troisième automne, et là je crois qu'à l'issue de ce troisième automne, tous les auteurs seront là à nouveau, du passé. Donc, est-ce qu'il y a des... Et alors, l'autre partie de la ligne éditoriale, c'est effectivement la littérature étrangère. Camille Vasseur, l'autre éditrice de La Partie, avait cette expérience-là de la littérature étrangère. Et aussi, elle ouvre le catalogue à des nouveaux venus, ou des nouvelles venues, comme Rosen, et d'autres. Pour faire aussi de l'album de création. Donc, si cultive la variété. Oui, une certaine pluralité, voilà. C'est pas un segment, non. C'est plutôt ouvert. Et comment, Rosane, est-ce que tu t'es retrouvée justement à, c'est ton premier album en plus à 100% toute seule. Comment t'es-tu retrouvée est-ce que c'est toi qui l'as proposé ou est-ce qu'on est venu te chercher Non, c'est Camille qui m'a contactée en fait, en voyant des images sur les réseaux sociaux. Ouais. Et elle m'a demandé si j'étais en train de faire un album. J'ai dit oui, comment c'était là-bas. C'est une astuce, une bonne astuce pour être édité. Et quand même, voilà. Tu as fait un album au final. Ouais. Quand même. Mais du coup, voilà, c'est ça, ça s'est fait comme ça. Oui, donc il y a une recherche aussi, une sorte. Tu te parlais de contact, on va dire, et d'habitude de travail avec certains auteurs et autrices, donc comme Laurie. La recherche de droit, mais aussi vous allez chercher, vous faites une veille de bah, talent. Oui, il y a une politique d'auteur, c'est-à-dire qu'on suit systématiquement le travail aussi de personnes avec qui. Mmh. Plus ou moins longtemps, et ça c'est vraiment primordial. On parlait de ligne éditoriale, pour nous la politique d'auteur elle est primordiale dans notre travail. Et puis il y a aussi bien sûr la curiosité d'aller regarder. C'est plutôt Camille qui a regardé mon Instagram, je suis un peu née pour ça, mais il y a d'autres façons de rencontrer des personnes. Voilà, on n'essaie de pas trop aller piquer dans les catalogues des autres. C'est oui. Parfois des gens dont c'est le premier livre qu'on publie ou qu'on cherche à publier. Mais oui, il y a évidemment une grande curiosité aussi pour l'auteur de mon style. Et vous êtes toutes les deux à la base vous êtes toutes les deux illustratrices. Et comment se fait le choix de la jeunesse pourquoi illustrer pour de la jeunesse et pas, par exemple, faire de la BD ou autre Comment est-ce qu'on en vient à dire je vais faire des livres pour enfants? C'est une question. Vraiment, c'est vraiment le hasard qui a fait ça. Oui. Bah, c'est la rencontre avec Camille. Après, j'avais illustré quelques livres avant. Mm-hmm. Mais c'est plus ça, la rencontre et le hasard. Les choses se sont faites. Et toi, Laurie Moi, je voulais faire illustratrice jeunesse quand j'étais enfant. Ah oui, c'est un rêve d'enfant devenu réalité. Et pendant très longtemps en plus. Collège à peu près, et après je voulais faire l'illustration tout court, et il se trouve que quand j'ai été diplômée, mon travail a plu d'abord à des éditrices jeunesse, mm-hmm. en tout cas de la bande dessinée, et donc j'ai fait la jeunesse comme ça, et j'aime beaucoup la jeunesse, et je trouve que c'est un domaine en France où on est très très libre. Oui. Il y a vraiment plein de formes de liberté dans la littérature jeunesse. D'ailleurs ton livre qui a été écrit avec Jérôme Dubois, enfin écrit par Jérôme Dubois ouais. Et que tu illustres, il a un format un peu particulier puisqu'on est un peu dans le livre dont vous êtes le héros mais pour enfants. Comment l'a conçu, comment est venue l'idée? Alors en fait Jérôme et moi on a lu des livres dont on est le héros quand on était enfant. Ouais. Lui plutôt La salle au milieu du donjon, au milieu du piège. Oui, plus forme, fantasy. Plus fantasy et plus jeu. Mm-hmm. Et moi, je lisais, j'avais ceux de Claude Delafosse et Yvan Pommeau à l'école des loisirs, qui sont vraiment très narratifs. Oui. C'est pas du tout la même forme de livre dont on est le héros. Et l'un et l'autre, on voulait en faire un. On s'était toujours dit, mais ce serait cool de faire ça. Après, on a commencé à réfléchir. Et lui, il était très intéressé par la partie, parce que les deux, on est auteur-illustrateur normalement. Mm-hmm. Et lui, il était très intéressé par la partie écriture qui est très mathématique, où en gros il faut faire des embranchements, il faut calculer les pages. Moi, oui. Cette partie-là m'intéressait pas du tout. Et lui, le dessin m'intéressait pas vraiment pour ça, donc on s'est dit, ah, mais on pourrait faire un livre ensemble. Et oui. Et vous l'avez proposé au final, disant, bah, on a eu une idée. En fait, je travaillais bonjour, déjà Madame avec l'éditrice. Béatrice avant, donc on a songé un moment à aller voir un autre éditeur en disant que ce serait peut-être bien d'avoir une forme de neutralité, vu que lui, il n'avait jamais fait de jeunesse, d'aller sur un territoire qu'on ne connaissait pas ni l'un ni l'autre. Mm-hmm. Mais après, on est voir Béatrice. Et comment est-ce qu'on... Enfin, justement, le travail éditorial, il prend quelle forme sur un livre jeunesse? Puisqu'on a beaucoup d'images, d'idées sur le travail éditorial littéraire. Mais comment un éditeur intervient ou non sur un livre jeunesse? Est-ce qu'il y a des directions qui sont données? Est-ce qu'il y a une carte blanche aux auteurs-autrices? Comment... Alors, ça dépend vraiment. En fait, il y a autant de façons de travailler que de livres et d'auteurs. guider éventuellement, oui. Voilà. Et puis, d'autres qui ont besoin d'avancer seuls, de montrer des choses par étapes. Donc, j'ai toujours du mal à raconter ça parce que ça change tout le temps, la façon de travailler. Mais en fait, j'essaie d'être. Alors, c'est pas vraiment des cartes blanches, des fausses cartes blanches, je dirais. C'est-à-dire que je pense que on laisse beaucoup de liberté. Et en même temps, moi, je perds jamais de vue le livre auquel j'ai pensé quand le projet est arrivé. Et sur lequel il semblait qu'il y avait un consensus avec l'auteur. Voilà. Et donc à partir de là, d'être disponible et de mettre à disposition aussi les meilleurs outils pour fabriquer un livre, les ressources de fabrication. Et puis ça va. Il y a aussi du texte dans les albums. Oui, bien sûr. Il y a un travail sur le texte, il y a parfois du travail aussi purement artistique sur les images, sur les cadrages, sur les. Relever d'une sorte de direction artistique. Voilà, mais ça dépend vraiment des besoins, on s'adapte vraiment aux besoins des oui, aux personnalités, aux projets, j'imagine aussi qu'ils peuvent varier selon le type de projet proposé, porté. Et parfois d'un livre à l'autre, moi je sais pas, je pense qu'avec Laurie, il n'y a pas des mêmes besoins sur tous les livres, on n'a pas échangé de la même façon, je pense que sur tous les livres. Ça dépend du calendrier déjà en fait. S'il y a un calendrier serré ou pas, il y a des projets qui perdent plus aussi. On ne sait pas exactement quel angle on va le faire, donc là on a besoin d'être un peu plus accompagné ou d'avoir un peu plus de retour. Moi après je pense pas faire partie des autrices qui ont besoin de. Enfin, j'avance quand même pas mal seule aussi. Oui. Je sais pas. Oui. Et j'aime assez ça. Mais par contre, c'est bien de savoir, en fait, quand on a une question, de savoir à qui l'adresser, d'avoir confiance dans la personne qui apportera un retour. C'est ça qui est très important. Oui. C'est-à-dire, on va poser une question, que ça tombe pas n'importe où. Oui, toi, tu as la même vécu, Rosane ? Moi, comme c'était mon premier livre, je pense que j'ai eu besoin quand même d'aide pour écrire l'histoire. Oui. J'avais une idée, mais qui était. Et donc Camille m'a aidé à reformuler. Et après, une fois que le truc était démarré, j'ai l'impression que c'était vraiment le regard extérieur qui voyait les failles là où je ne les voyais pas. Et qui, Oui, qui permettait d'ajuster et de passer l'étape suivante. De compréhension aussi. Pour moi, c'était évident, mais elle me disait qu'elle comprenait pas les images. Oui, vraiment le travail d'éditeur au sens où on l'entend, même en écriture romanesque, de bah non, là on ne comprend pas, ouais. Et pour aider à passer des caps et ouais. À mieux formuler. Et parfois, quand j'avais. Enfin. De simplifier aussi certaines choses qui étaient trop compliquées. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné. Inspiré cette histoire, le détour. Petite histoire d'école buissonnière. C'est mes enfants. En fait, j'ai des enfants qui avaient à l'époque le même âge que les personnages. Oui. Et j'avais envie de leur offrir un peu une journée loin de l'école. Parce que je trouvais que même si les profs font ce qu'il faut pour rendre l'école chouette et tout ça, j'avais l'impression qu'ils s'ennuyaient un peu. Voilà, je voulais leur offrir un peu. Comme je pouvais pas le faire dans la réalité, offrir un peu de liberté. Une petite balade, ouais. Et comment est-ce qu'on adapte, que ce soit en tant qu'autrice ou même en tant qu'éditrice, le propos à sa cible ? Est-ce que c'est au moment de la conception, on se dit « bon, j'ai cette idée, ce sera un livre plutôt pour les, je sais pas, les 7-9 ans, celui-là plutôt pour les 3-5 » ou est-ce qu'il y a un projet et puis après vous voyez ce que ça donne ? Moi je pense pas à la cible. Je pense à qui j'étais enfant, à ce que ce livre-là m'aurait plu quand j'étais enfant, et c'est à peu près ça. Le seul prisme de l'enfance qu'il y a, c'est plutôt celui-là. Et en plus, je trouve que les histoires d'âge, je vois l'aspect utilitaire en librairie et tout ça, mais je trouve que d'un enfant à un autre, les lectures sont pas du tout les mêmes, et que l'âge aide pas forcément à viser juste. Bien sûr, il y a la question de lecture. Oui. Pour J'avais pas du tout d'idée de l'âge des lecteurs, je me fiche. Oui. C'est pas mon problème. Bah, d'ailleurs, c'est pas le problème. De nos comme des libraires. Mais plus des libraires, ouais. Et effectivement, en tant qu'éditeur, on est obligé de donner des indications, mais c'est toujours un casse-tête en fait. C'est que de limiter, ce soit par bas ou de haut, enfin, même de faire des tranches d'âge, déjà, tranches, c'est vraiment moche. Oui, c'est pas joli comme mot, ouais. C'est vrai qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, il n'y a pas que le détour et la... La partie, le détour, ça c'était, ça s'est emmêlé. Il y a d'autres livres qui sont tout à fait appréciables en tant qu'adulte. On n'a pas l'impression de lire vraiment, de régresser en termes de lecture. Il y a eu plusieurs livres des éditions La Partie où c'est vraiment un plaisir visuel et de se laisser aussi emporter par une histoire en tant qu'adulte. Les segments cibles, c'est ça. Et quels sont d'ailleurs les retours que vous pouvez avoir, alors en tant que maison d'édition, mais aussi en tant qu'autrice, des lecteurs et lectrices, alors que ce soit la fameuse cible, les enfants de leurs parents, comment ça se passe à ce niveau-là? Spontanément en fait par des... Oui. Vous avez eu, que ce soit en atelier, en rencontre, en... des retours comme ça hein. Ben, en fait ça dépend, moi j'ai du mal à imaginer les enfants comme un bloc uniforme, c'est un peu comme des lecteurs adultes, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des enfants qui accrochent tout de suite à mon travail de manière assez surprenante, et d'autres qui, comme les adultes, en fait, trouvent ça très froid et restent à distance. Et je trouve ça même assez sain, en fait, le fait que les enfants soient multiples comme les adultes. Donc, peu, ils ont des goûts, des ouais. préférences, des. Mais affinités. Après, j'ai déjà vu des enfants être confrontés à des choses qui, en effet, paraissent très compliquées pour des adultes dans mon travail, ou en tout cas, paraissent floues, et pas avoir du tout ce problème-là. C'est aussi, je trouve, assez sain et rassurant. Toi, tu as observé la même chose Moi, je sais pas, j'ai pas eu de retour, en tout cas les enfants ils prennent mon livre, ils sont contents ce qui est un peu le principal, que ce soit pour une autrice ou une éditrice. Et puis pour moi c'est pas grave s'ils comprennent pas ce que j'ai voulu dire. Oui. Enfin, je trouve qu'ils peuvent avoir une autre compréhension et c'est déjà très bien pour moi, même s'ils ont pas compris d'ailleurs, je trouve que c'est très bien aussi qu'ils regardent le livre. Oui. Oui, parce que c'est très coloré. Il y a, en tout cas, chez vous deux, il y a un fort travail autour de la couleur, de la recherche graphique. Donc, l'histoire est un bonus, si on peut dire, sans pour autant dire qu'il n'y en a pas. Mais un enfant qui ne comprendrait pas peut quand même rentrer dans les livres et dans l'univers. Je trouve que les enfants arrivent à avoir des manières de lire les livres très différentes de nous. Déjà, il y a ce truc de pouvoir lire la même chose tous les soirs. Qui apporte une lecture qu'on n'a pas du tout en tant qu'adulte, en fait, d'avoir quelque chose qu'on connaît parfaitement. De pouvoir obstruer totalement une partie d'un livre, par exemple le texte, quand ils ne lisent pas le texte, ils peuvent en fait se concentrer juste sur un détail. Et ça, je trouve qu'au final, il y a une lecture qui est assez riche par rapport à la lecture que moi j'ai en tant qu'adulte d'un texte, où je vais lire assez basiquement. Quoi. Il y a l'image, il y a le texte, je synthèse les deux choses. Oui. C'est chouette dans la lecture, en fait, par exemple. Ouais, non, mais justement, je voulais dire que c'était important ce que disait Rosette sur le fait que c'est pas grave si les gens comprennent pas. Oui. Et ça contrôle pas ce que je disais précédemment, en fait. C'est pas tant. C'est le fait d'avoir envie d'entrer dans un livre ou de ne pas avoir envie d'entrer dans un livre. Et le fait qu'il paraisse complexe pour un adulte, enfin, pas pour lui, mais pour un enfant, fait que parfois le livre est catégorisé comme trop difficile, etc., ce qui n'est pas pour l'enfant. En revanche, ne pas comprendre tous les enjeux d'une histoire, ne pas parfois lire parfaitement l'image, mais la lire à sa façon et revenir avec d'autres lectures un peu plus tard, en fait, ça rend tout ça vachement vivant. Oui. Et ça le fait vivre longtemps. Oui. Et l'album, il peut vivre très longtemps dans une bibliothèque et être lu à 3, 4, 5, 6, 7 ans de façon complètement différente. Donc je voulais juste insister là-dessus, sur le fait que c'est important d'être. De dire, ce n'est pas grave si l'enfant ne comprend pas tout. Oui, c'est important. Et puis, il y a des lectures qui m'ont marqué enfant, ou quand je les ai relues adultes, j'étais là, mais je ne vois pas l'intérêt de ce livre. Oui. Et en fait, par exemple, La Vache Orange, c'est un livre que j'adorais enfant, que tous les enfants adorent, et en tant qu'adulte, on est un peu là à faire, c'est juste une vache malade qui mange tout. Et en fait, ce livre a quelque chose de magique et d'identification à la maladie. Et pareil, il y a un livre que j'adorais de Richard Scarry quand j'étais petite. En fait, il y avait juste un détail où il y a un moment, un petit personnage qui tombait dans la pâte à papier. Et juste ça faisait que tous les soirs, je voulais relire ce livre. Donc vraiment, il y a une forme de magie, hein, pas vraiment de magie, mais de détails qui touchent l'enfance, que nous on a une lecture beaucoup plus globale. Oui, et beaucoup plus de recul, ouais. Enfin, c'est pas, limite pas la même langue en fait qu'on parle. Un truc plus synthétique, j'imagine, du coup peut-être même plus à distance. Et je trouve ça très bien que La Vache Orange marque autant que ça. Je l'ai pas relu depuis longtemps. Moi je l'ai relu et j'étais là, bah oui, le renard est sorti de la vache quoi. Eh bien, je vais vous libérer et vous laisser retourner profiter du salon. Merci pour cet entretien. Béatrice Vincent, Rosane Brécard et Laurie Agusti pour les éditions La Partie.